Premièrement, je suis un quartz dans la lumière. Mes facettes sont chacune un piège orienté, indéfiniment immobile. Deuxièmement, je suis seulement dans la rotation. Elle me donne mon poids. Je suis dans une pesanteur d'immobile. Troisièmement, je crois que je suis la Terre autour du Soleil. Je peux me surprendre étant n'importe quel univers. Quatrièmement, je sens que le soleil me bombarde de ses terribles sacs de billes. Elles me ruissellent partout, dans tous angles précis. Et moi, l'araignée, je suis le geste de la nature. L'univers autour de moi brandit ses tripes d'étoiles, inextricable réseau d'araignées. Et la Terre est restée figée dans un rythme d'espace. Résultat, ma rotation me place dans ma lumière. Et moi, quartz aux nombreuses facettes, je me prête à elle dans ce voyage. Et selon qu'elle me regarde, elle me contracte ou me disperse et m'ouvre dans le mouvement. L'homme est indéfini. Ce qui est vivant est mobile. Ce qui est mobile ne se contient pas dans une limite. Ce qui est mobile, à cause de son déplacement même, est indéfini dans le monde. Ainsi l'homme, qui n'est jamais lui-même, se superpose sans cesse dans la durée et se transforme dans la respiration, n'est jamais défini. La définition ou l'ordre, cela n'existe pas. Ce qui est défini est en dehors du mouvement. Et ce qui est défini, cela ne nous intéresse pas. L'être stable, ce serait statue aux yeux de chair, ou soleil s'arrêtant dans le ciel. Cela ne m'intéresse pas. Il faut qu'une statue soit de pierre, ou un homme de respiration. Je respire. L'air que je comprime dans mes poumons m'est compté dans les astres. L'air que j'expire, je peux le sentir contre ma main. Je me dilate. Je suis indéfini par ma respiration. Il y a deux possibilités, et sûrement trois. Construire ou détruire, et vice-versa. Il faut se ranger à cette version des choses. Une maison bâtie est davantage détruite qu'habitée. Une nouvelle maison est construite sur cette ruine. Et pendant ce temps, cet homme, nous autres, sera dans le provisoire d'une construction à détruire provisoirement. Donc, ce qui est défini n'est pas humain. Je veux dire, n'est pas de notre humanité ou en notre pouvoir, car nous ne saurions nous accoutumer à un repos. Le repos étant une nouvelle transmutation ou le désespoir d'atteindre une véritable destruction sans remède. Le monde est la facette de la lumière, et la lumière, la respiration du monde. Le jeu du stable et de l'instable est le regard. Le regard, c'est le vide éclatant. Le vide, c'est moi, c'est la lumière. Et la lumière, c'est le mouvement. L'objet, c'est le corps inanimé. Si je jette une bouteille, elle a un instant de vie par procuration. Le geste d'envoi lui donne une existence. La main l'a touchée de magie et lui donne un réflexe qui la guide. Dans sa conscience, elle réalise son parcours. L'objet qui était inerte devient vivant par le don qu'on lui fait d'un mouvement. Il est la prolongation de la main qui le lance. Le rythme est un envoi. Premièrement, il y a le geste et le geste a trois réalités. 1. L'impulsion volontaire qui est une inspiration. 2. La contraction musculaire qui est un silence. Trois, la projection qui est une expiration. Deuxièmement, il y a le parcours ou la distance, et le parcours a trois réalités. 1. Il y a la tête qui est le point de jonction entre le geste et l'objet, la contraction dans laquelle il y a la loi de tout le parcours, l'œil instinct de l'immédiat. 2. Projeté à l'extérieur, sorti de la contraction, il y a le saut qui entretient le parcours. 3, enfin le grand saut qui est le résultat des deux premières réalités et qui accomplit la totalité de l'envoi jusqu'au point déterminé de la chute. Le parcours est le résultat, la distance parcourue entre le G et la chute. Un troisième facteur est le temps. Le temps est liquide. Dans le temps du parcours, différents événements donnent une appréciation différente du temps. Les contractions de l'objet sur lui-même rythment son entretien. Si je jette une bouteille dans le soleil, le jeu de lumière pris et renvoyé par l'objet aura pour résultat un trajet complexe, juxtaposé sur la simple parabole et rythmera l'entretien par les renvois de la lumière. Dans la même distance de temps, il peut y avoir des convulsions, des tensions rythmiques plus ou moins floues, plus ou moins rapides. Et le rythme à l'intérieur de la convulsion, soubresaut et grand saut, et la friction interne et externe avec la parabole du grand chef. Spirale. Et la friction algébrique entre le petit et le grand saut, entre le grand saut et la convulsion organique. Le mouvement est le voyage de la lumière sur les événements. Il faut considérer le mouvement comme un événement en forme de corps dynamique constitué d'une impulsion d'envoi, d'une continuité et d'un effacement. C'est une succession de rythmes percevables au service d'un indéfini. C'est la création d'une direction par rapport à un point fixe, le déchirement d'un point vers un autre imaginaire. Voilà la contrainte d'où naît la complexité, ou les nœuds de la superposition des gestes dans l'instant. L'animation traditionnelle n'est pas le mouvement. Là, on peut dire que le mouvement est une suite d'immobilités percevables, ou une succession de rythmes non percevables, qui sont au service d'une image à extraire ou une image définie. Or, ce qui est vivant, c'est l'image de son envoi à sa chute, ou mieux, de la force de son envoi qui la jette dans la réalité. La définition parfaite d'un mouvement est de la fécondation jusqu'à la réalité du vivant. Ce temps de transmutation d'une force organique non construite dans notre vision jusqu'à son immobilité vivante. Il apparaît donc un rapport de durée, c'est-à-dire la véritable forme du mouvement. Son existence ou sa réalité ne se percevant que dans sa fin. La chute ou l'effacement d'un geste provoquant un réflexe de mémoire ou récapitulatif, des densités successives écoulées, de la continuité à l'impulsion d'envoi. Ce rapport de durée est double. Il y a durée double, puisqu'il y a une opposition entre un temps durée et un temps-espace, qui lui-même, dans sa superposition, comprend un rapport de réaction dans le temps. On peut imaginer l'état de conscience comme une outre qui se remplit de vision et devient ventre, qui expire sa vision et devient ventre alentour. Nous avons en nous l'image de la transmutation qui est la digestion, ou vividigestion. La chair de l'atome et le mouvement de l'estomac digéré par sa propre femme. Le bruit stellaire ressemble à la conscience du diable gyroscopique. Je suis le produit d'une invention brevetée gesticulatoire. Les choses passionnantes des hommes sont leurs rouages et leurs mouvements pendulaires. De là, nous sommes partis pour retrouver notre dédoublement. La roue est le plus grand signe de curiosité que nous nous sommes démontrés, et sans doute cette curiosité, bien qu'inévitable, fut une chance. C'est ainsi que nous avons pu identifier la Terre à la forme de notre roue, et la voyant tourner, notre roue, avons reconnu que notre Terre tournait aussi. Depuis, bien d'autres découvertes, telles que le bilboquet. Continuons donc d'être curieux. De toute manière, elle tourne. Nos gestes sont volcaniques. Nous sommes le volcan effervescent de la Terre. Ma tête est un lac. Le matin, mon œil se lève et accomplit sa gravitation. Dans l'orbite frétille la queue d'un petit poisson d'écaille, éclate en étincelles brillantes. Je gratte l'écaille et je vois par l'arête que je suis Charlemagne. Je frappe de grands coups de poisson sur les fleurs. Je déchire les pierres. Je racle la terre avec mes épines. J'écorche la peau de l'air et circule dans ses veines. Mes poissons éclatent. Mes lunes sont pleines de bois. Je brûle! Le rythme ou l'intense densité de la chair inimaginable d'un coquillage de plusieurs millénaires dont seule la trace subsiste dans la pierre. La nature reste à être créée. La chose à l'état latent fait à travers nous un voyage qui lui est aussi profitable que le voyage que nous faisons sur elle. Le triangle de la juxtaposition est un va-et-vient d'images entre la chose, son observateur et la forme. Je suis le commanditaire de la chose. L'expiration de la forme et sa juxtaposition sur la chose devient mouvement. C'est la juxtaposition qui, dans son délire, porte la chose à son apogée. La base est le sommet du soleil. Je suis une centrale téléphonique. Garnissons les plots. La chose enfonce sa fiche. Et alors, nous l'expirons, et seulement elle existe. L'expiration est l'inspiration de l'expiration, et alors nous existons sur elle. Les rythmes des longs trains sont un cinéma d'effluves. J'affirme ici la constitution physique du train ou du rythme, à cause de l'hypothèse contenue dans ce cinéma d'effluves, qui en elle-même est une coordination d'images ou de rappels qui sont en constitution physique, ou mieux superphysique, c'est-à-dire érotique. La nature respire en nous. Chaque image égale l'appel d'air, chaque image de formation, chaque image de constitution devient mon bubon d'image. L'état latent n'est plus qu'un prétexte et reçoit l'état dynamique projeté, qui vient couvrir l'attente d'un prétexte à exister. Le rythme, c'est le produit de la lumière et du mouvement. C'est l'expression des objets dans la vitesse ou le départ du geste à sa chute. C'est l'interception inarticulée de la lumière par les facettes des objets. Nous respirons dans la nature. La vision devient gravure matérielle. À travers notre corps, transpercé d'immobile, et juxtapose sa vision créée de mobile dans l'œil. De l'immobile à l'action, il n'y a qu'un vertige. De l'organe à l'arbre, un double jet de filet. L'arbre m'attrape l'œil, et j'attrape l'arbre après l'avoir vivifié et mobilisé. Le rythme, personnage d'avant le désastre qui subsiste. Je le définis comme un hermaphrodite idéal, plein d'appétit. Ne cessant jamais une éternelle fornication entre son vide et son éclat, ne cessant une mise à bas de la perforation, ne cessant une locomotive stomacale. Toute perforation provoque un vide, plus durable que ce geste perforateur, et la domination s'évanouit dans ce vide même, créé de la combustion de son énergie-volume. Pompéi, ville de l'extérieur des choses. Le moule est la forme véritable de l'expression crispée de l'objet. Donc, il faut couler sur la pensée une matière pétrifiante, et cette pensée devenue poussière sera vivante de son aléatoire et transposé volume dépersonnalisé. Ou encore, il faut couler de la lave sur les êtres, et que de cette poussière naisse la pensée tirant la langue. Tout n'est qu'une excavation terrible. La forme élargie d'un obus éclaté. parti du fait que le temps est un voyage, ou plutôt un état, état de fait, ou lieu, et que le rythme est un moyen de transport qui permet le voyage à la surface du temps. Et puis on traverse la surface et on entre dans l'interne, c'est-à-dire que peu à peu le temps disparaît, mais le voyage continue, et le rythme reste toujours le seul moyen de transport pertinent. Et puis on traverse l'interne et on entre dans l'incommunicable, c'est-à-dire que peu à peu le rythme disparaît, il reste seulement le voyage et le silence. Parti de ce principe de cheminement, ainsi, on peut se demander si le voyage va du bruit au silence, ou du silence au bruit, ou ni l'un ni l'autre. Parti de ce principe de cheminement et de rapprochement, on peut se demander si le voyage va de moi à l'impossible, ou l'impossible est devenu l'incommunicable, ou s'il va de l'impossible à la communication. De toute façon, je ne vois pas d'autre moyen. Il y a le temps qui fait la pénétration des choses, qui ne disent pas leur nom. Si je regarde l'action, je peux dire « Ce qui compte, c'est que le vide soit contenu et qu'il respire dans une limite de vibration indéterminée. Tout est instrument d'agir. Le maçon du vide, c'est la main du potier. Ce qui compte, c'est qu'elle enferme le vide, qui est l'âme de la masse ou sa raison. Toute transformation est d'immobile et provoque une énigme. Toute perforation est d'immobile et provoque un vide. L'action déglutit son geste. Apparaît le moule d'un espace poétique, d'une durée, d'un geste, de la terre à son vide. Je sais que l'excrément de l'action, c'est le règne. Et s'il faut que je vous sacre un roi là-dessus, ce sera l'énigme roi. Voici, l'énigme est roi de son mobile, de son royaume complexe. Il ne saura rien dire que silence, et qu'il n'y a pas de surface, mais une densité universelle de pierre et de dureté, une respiration de force. Le vide lui-même est le plus compact, et son énigme n'est pas. Tout est un nœud dense et giratoire. Le rythme est de son visage, et la perforation survit de son visage. Densité, graisse, mouvement, huile de l'explosion. Dans ce voyage, rien ne se termine. Tout se répercute. Les étoiles, comme des chevaux, tombent dans les fosses de l'épuisement. Mais rien n'arrive à se finir. Tout se répercute. Un geste terminé, il reste l'ingeste.